journée où tu fais le tout allait bien. Pas de problème, pas de pépin. Une petite journée où je n'aurais pas dû me réveiller. Fac obligation oblige, vers la caisse je me dirige pour payer des billes non payées, assumer mes responsabilités. J'entends crier, ok, tout le monde par terre. C'est une demande de rançon. Je veux 3 millions, puis un hélico. Parce que moi je sens des tics et les continents sont comme un presto. Je suis un terroriste sans cause. Je fais mon code et pour que je pose. Que je pose, sans cause à effet. C'est plus le nez pour ce que je fais qu'une équimose. Mais watch me la plaie, watch me la plaie. Je ne pouvais pas croire ce qui m'arriva. Je ne comprenais pas ce qui se passait là. La peur me figea. Mon poil s'hérissa sur mes bras. J'entendais pleurer doucement les petites madames sur le ciment. Je n'osais pas regarder celui qui nous avait kidnappés. Oh non, oh non. Hey, hey, regarde-moi pas face, toi. C'est une demande de rançon. Je veux 3 millions, puis un hélico. Parce que moi j'en ai cité. J'veux mon 15 minutes de gloire. C'est obligatoire, sinon c'est le bloc opératoire. Mes réflexions n'ont plus de miroir. Puis dans 4 heures, ici ça va être un abattoir. On a identifié le suspect. Trouble psychiatrique grave. Soyez prudent, il peut sauter n'importe quand. De l'infirmier quadrilatère, faites évacuer les résidents. Je veux 3 rangs sur le top du métro, 2 sur le top de la pharmacie. Hey, est-ce pas de tactique, arrives-tu? Ok, les gars sont en place. Hey, me prenez-vous pour un cave? Mon nom, ma dent, c'est pas qui s'endort. Mon impatience est impatiente.